serait pour nous un fier compagnon. Dis-lui de nous suivre. Il refusera. Mais assez au moins. Soit, on essaiera. C'était pour toi, j'y voudrais être encore. Tu m'aimes donc. Moi, je t'adore. Nos officiers sont venus tout à l'heure. Ils nous ont fait danser. Comment toi? Et je m'y... Eh oui, je suis jaloux. José!